Chapitre 2e. Le soir, comme il traversait en voiture Pont-sur-Loire pour rentrer à Bracieux, M. de Rueil dit à Denise « Eh bien, vous savez, mon petit bijou, avec vous, on ne passe pas inaperçu. Ah, non !» Elle regarda les passants, qui se retournaient vers elle avec une curiosité intense, et répondit « C'est ma robe rose qui... Non, ce n'est pas votre robe, c'est vous-même. » Elle demanda, ses grands yeux violets encore élargis « Moi ? Pourquoi moi ?» « Oh, petit bijou, ça n'est pas gentil de financer avec le vieux cousin. » L'air stupéfait, de plus en plus, elle questionna. « Je finasse. Dame, ça m'en a l'air. Il n'est pas possible que vous ne sachiez pas à quel point vous êtes jolie. D'abord, vous avez des yeux. Ensuite, on vous le dit assez pour que... » « On me le dit, qui ça ? Mais tout le monde, même moi, qui suis presque votre oncle, et presque un homme respectable. »« Presque, mon oncle ? Non. » Attendu que Bertrade est ma cousine Germaine et quant à « presque respectable ». Elle s'arrête un instant et conclut en riant « Vous vous flattez ?»« Hélas non, je vais avoir 42 ans. » Elle le regarda, l'air surpris. « Ah bah, vous n'en avez pas l'air. »« Merci. » »« Tenez, voyez-vous tous ces indigènes qui vous dévisagent ? Je vous affirme, bijou, que quand je viens faire les commissions tout seul, ils ne me regardent pas avec cette avidité. Moi, je vous dis que c'est ce rose qui les étonne. Pourquoi les étonnerait-il ? Ils y sont habitués puisque vous venez souvent à Pont-sur-Loire et que vous êtes toujours en rose. » Depuis qu'elle avait quitté le deuil de ses parents, morts 4 ans auparavant, Denise avait adopté le rose comme unique couleur de robe. C'était, disait-elle, parce que sa grand-mère l'aimait mieux ainsi habillée. Dans tous les cas, le rose, un rose très doux, très mourant, sorte de feuille de rose effeuillée et pâlie, qu'elle portait toujours et qui était presque exactement du ton délicat de sa peau, lui allait à ravir. Quand le temps était froid ou mauvais, elle mettait de longs manteaux foncés qui la cachaient toutes, et lorsqu'elle sortait, rose et fraîche comme une fleur, de cette enveloppe sombre, elle éclairait tout alentour d'elle. Ses robes étaient en batiste, en mousseline, en laine, en étoffe relativement peu chère, tout au plus si elle se permettait un petit taffetas ou un foulard. Et quelle simplicité de forme! Toujours les mêmes petites blouses froncées, les mêmes jupes plates, jamais le moindre ornement, à peine l'hiver un tout petit passepoil de fourrure. Elle dit, semblant réfléchir, « C'est vrai, je suis toujours en rose. Vous trouvez ça mal ?»« Mal, moi ? Et grand Dieu, je trouve ça ravissant. Je vous répète, bijou, que si je n'étais pas un vieux monsieur, je vous ferais tout le temps la cour. »« Vous n'êtes pas un vieux monsieur ?» Remercie. Si vous ne trouvez pas que je sois un tout à fait vieux monsieur, ce qui est en effet discutable, du moins je suis un monsieur marié. C'est vrai, et c'est tant mieux pour vous, car rien n'est bête et ennuyeux comme les gens qui font la cour. Alors vous devez trouver terriblement de gens bêtes et ennuyeux. Pourquoi ? Parce que tout le monde vous la fait plus ou moins, la cour. Mais non, songez donc, j'étais isolé comme une sauvage, moi. Quand papa et maman vivaient, toujours malades, j'étais enfermé comme eux, sans voir personne. Il y a à peine 4 ans que j'habite chez grand-mère, où je vois du monde. Ah oui, et à gogo, c'est le cas de le dire. On croirait que ça vous déplaît. Elle regardait Rueil de côté, les yeux luisants entre les paupières à demi-closes, tandis qu'il répondait, devenant malgré lui un peu nerveux. Me déplaire, et pourquoi ? Est-ce que quelque chose me regarde dans votre vie ? Ai-je donc voix au chapitre en ce qui vous concerne ? Ce qui veut dire que si vous aviez voix au chapitre, et il est certes bien des changements, bien des réformes que je ferais, que je conseillerais, veux-je dire. Par exemple, je ne vous permettrais pas, si j'étais à la place de grand-mère, d'être aussi gentille, aussi accueillante pour tous. Je voudrais vous garder pour moi un peu plus, vous empêcher de donner à des étrangers une aussi grande part de vous-même. Elle dit, l'air pensif, triste presque. « Oui, vous avez peut-être raison. D'autant plus raison que nous vous avons à nous pour si peu de temps. » Les grands yeux naïfs et bons se posèrent sur Paul de Rueil qui reprit. « Vous vous marierez bientôt, vous nous quitterez. » Bijou se mit à rire. « Comme vous y allez, il n'est pas question de mariage pour moi, que je sache. » « En fait, non, du moins je ne le crois pas. Mais en principe, il n'est question que de ça. » Et grand-mère ne pense pas à autre chose. Ah, bien, je ne suis pas comme elle, car je n'y pense guère, moi. elle ajouta, devenue sérieuse tout à coup. « Il est d'ailleurs problématique, mon mariage. »« Problématique ?»« Mon Dieu, oui. D'abord, je veux que celui qui m'épousera m'aime. » « Bah, soyez tranquille, vous n'aurez pas de peine à trouver ça. » Elle acheva, et sa voix claire se fit presque grave. « Je veux aussi l'aimer. »« Vous l'aimerez, on aime toujours son mari, pour commencer. » fit étourdiment Rueil, qui s'arrêta court, trouvant que, pour commencer, était inutile. Mais Bijou n'avait pas compris, ni même entendu, car elle demanda « Qu'est-ce que vous dites ?»« Je dis qu'il sera heureux. » « Qui ?»« Celui que vous aimerez. » « Je l'espère. » Je ferai tout ce qu'il faudra pour ça. » M. de Rueil semblait agacé, irritable, grognon. Il dit, comme s'il eût voulu décourager Denise de son rêve, « Oui, mais si vous ne le rencontrez pas, celui-là ?»« Eh bien, je coifferai Sainte-Catherine, voilà tout. »« Mais je ne vois pas pourquoi je ne le rencontrerai pas. Je ne désire pas l'impossible, après tout. » Blagueur, un peu agressif, il répliqua, « Est-il indiscret de vous demander ce que vous désirez ?» « Oh, pas indiscret le moins du monde, car je ne puis vous répondre que ce que je vous ai répondu déjà. Je veux l'aimer, tout bonnement. Je ne tiens pas à l'argent. Je ne comprends pas, je n'admire pas l'argent. » Elle se tourna vers son cousin et conclut, le regardant bien en face. « Ainsi, tenez, je ferai très bien un mariage comme Bertrade. » Il balbutia. « Avec un autre mari ?»« Gentil. » Simple, sans le moindre embarras, elle dit, toute rieuse, « mais non, je trouve le mari très bien. » M. de Rueil ne répondit pas. Il se sentait ému malgré lui à cette pensée que Bijou aurait pu l'aimer. Il trouvait l'air du soir délicieux, et jamais le soleil couchant qui flambait s'enfonçant lentement dans la Loire ne lui avait semblé plus lumineux. La petite charrette était si étroite qu'à chaque oscillation de la voiture il frôlait de son coude le bras de la jeune fille, tandis que les fins cheveux blonds envolés du grand chapeau de paille balayaient sa joue qu'il sentait devenir brûlante. Bijou s'aperçut de sa préoccupation. Elle dit en riant « Il me semble que vous n'écoutez pas beaucoup la description de mon idéal. » « Mais si. » « Mais non. » « À propos, avons-nous bien fait toutes les commissions ?» Elle prit dans sa poche une longue liste qu'elle se mit à relire. Glace, petit four, fruits, poissons, les Dubuissons, parler au boucher, gaz rose, mer raffu, chapeau, livre de Pierrot, cartouche de Henri. M. de Rueil, qui regardait la liste, demanda « Comment ? Henri vous a chargé de rapporter des cartouches, au lieu de m'en charger moi ?»« Oui, l'avant-dernière fois, vous les aviez oubliées. La dernière, vous lui avez rapporté des cartouches de 12, et il a un 16, alors il a mieux aimé. » « Je comprends ça, mais on abuse de vous. Et les enfants aussi ont abusé. » Ballon de Marcel, crayon de Robert. Il n'y a que Fred qui ne vous ait pas donné de commission. Mais il ne faut pas désespérer. Il n'a que 3 ans. Ça sera pour l'année prochaine. Il ne m'a pas donné de commission, mais je lui ai rapporté des images. Le chat botté. Il adore les chats. Ça l'amusera. Que vous êtes délicieuse. Délicieuse ? Est-ce assez dire ? Vous ne pourriez pas trouver quelque chose d'un peu plus élogieux ? Voyons, en cherchant bien. Elle continuait à parcourir des yeux sa liste. Paul de Rueil indiqua du manche de son fouet une ligne écrite au crayon et demanda « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Dire à grand-mère pour la norinière. » »« C'est les Jusancourt que j'ai rencontrés et qui m'ont bien recommandé de dire à grand-mère que la norinière va être habitée. »« Ah ? Clagny a vendu ?»« Non, c'est lui qui revient. Il paraît qu'il viendra tous les étés. »« Ah, tant mieux. Ça va faire bien plaisir à grand-mère. » « Oui, elle l'aime beaucoup. Je ne le connais pas, monsieur de Clagny, mais j'ai entendu bien souvent parler de lui. » « Vous ne vous rappelez pas l'avoir vu autrefois ?»« Mais non. C'est lui pourtant qui a été votre parrain. » »« Vous rêvez. C'est l'oncle Alexis, mon parrain. » »« L'oncle Jonzac est le parrain de Denise, mais c'est monsieur de Clagny qui est le parrain de Bijou. » »« Oui. C'est lui qui, quand vous étiez petite, disait en parlant de vous le Bijou. Le nom vous allait si bien qu'il vous est resté. » « Vous ne trouvez pas que c'est un peu ridicule de m'appeler Bijou à présent que je suis vieille ?»« Vous avez l'air d'avoir 14 ans, et vous aurez toujours cet air-là, je vous le promets. »« Vous vous aventurez peut-être un peu ?» Elle le regarda en riant. Lui aussi la regardait, sans pouvoir se détacher du joli visage frais tourné vers lui. Et comme il ne faisait aucune attention au chemin de traverse qui était très mauvais, la roue droite se prit dans une ornière et la petite charrette pencha brusquement, jetant sur lui Denise, qui se raccrocha de toutes ses forces à son bras. Ils restèrent un instant balancés, puis la roue sortit tant bien que mal du trou profond où elle était serrée, et le cheval reprit son train rapide. « Ouf !» dit Bijou, qui riait de tout son cœur. « J'ai bien cru que nous verserions. » Il répondit sérieux. « Il ne s'en est guère fallu. » Elle desserra ses petits doigts qui s'incrustaient dans l'épaule de son cousin et demanda. « Est-ce bien fini? Vous n'allez pas recommencer, au moins ?» M. de Rueil la contemplait sans répondre, distrait, l'air troublé. Elle reprit. « Mais au lieu de me regarder, regardez donc devant vous. Nous allons retomber encore dans une ornière. Vous allez voir ça. » Il murmura. « Mais non, mais non. » Il parlait comme dans un rêve. Bijou dit. « Je parie que nous allons être en retard pour le dîner, et vous savez que grand-mère n'aime pas bien ça. » Rueil caressa de son fouet l'épaule du poney, qui bondit, secouant violemment la petite voiture, et partit à une allure folle. Cette fois, Bijou parut stupéfaite. « Ah ça ? » questionna-t-elle. « Qu'est-ce que vous avez donc aujourd'hui ? Tout à l'heure, vous manquez nous verser. À présent, vous touchez Colonel avec votre fouet, alors qu'il ne faudrait pas même lui laisser deviner que vous en avez un, et vous nous faites emballer. » Elle ajouta, voyant que le cheval se calmait. « Ou à peu près. Vous n'êtes pas dans votre assiette. » Il répondit machinalement. « Non, je ne suis pas dans mon assiette. » Au premier bond du poney, Denise avait repris le bras de M. de Rueil. Non qu'elle eût peur le moins du monde, mais parce que, assise sur la banquette trop haute pour elle, elle n'avait aucun aplomb et essayait de s'accrocher à quelque chose de solide. Sans quitter le bras où elle s'était suspendue, elle demanda avec intérêt, se penchant vers son cousin. « Pas dans votre assiette. Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes malade ?»« Malade, non, c'est-à-dire pas précisément. » « Comment pas précisément ? Ah, il ne faut pas l'être, malade. Nous avons à travailler la revue ce soir. Si vous ne vous y mettez pas tous, et tout de bon, elle ne sera jamais finie pour le bal des courses. Je m'en fiche un peu de la revue et je... À votre place... » Il s'arrêta, embarrassé. Bijou demanda. « Quoi ? Qu'est-ce ? Vous alliez dire quelque chose ?» Il balbutia, cherchant ses mots. « Oui, en effet. » « Je voulais vous dire que le dessin qu'a fait Jean pour votre... pour le costume des baies, eh bien, il est infiniment trop déshabillé, ce costume. »« Mais il n'est pas déshabillé du tout. Allons donc. Est-ce qu'une femme comme vous, une jeune fille, doit se montrer ainsi presque nue? Mais c'est honteux. » Bijou regarda d'un air ahuri Paul de Rueil et lui riant au nez. « Oh, que vous êtes drôle! Vous avez absolument l'air d'un mari jaloux. » Il balbutia, vexé, mal à l'aise. « Jaloux, je n'ai pas à être jaloux, je... »« Sans doute, mais sans être jaloux, vous ne voulez pas, vous, les hommes, qu'une femme semble jolie ou gracieuse ou amusante, un autre que vous-même. » « Mais en admettant que ce soit, c'est assez naturel. » « Vous trouvez ça ? » ?»« Eh bien, une femme, au contraire, est heureuse du succès des hommes qu'elle aime bien. Il lui plaît de les voir plaire. » Turlututu, vous ne savez pas ce que vous dites, petit Bijou. Vous avez de ces choses une inexpérience. Délicieuse, heureusement. Elle demanda en ouvrant très grand ses 12 yeux candides. Pourquoi heureusement? Parce que... Il s'arrêta court. Bijou reprit en lui pinçant le bras. Mais dites donc. Il répondit, visiblement gêné, essayant de secouer l'étreinte de la solide petite main. Ce serait trop compliqué. Bijou rougit. « Trop compliqué. Voilà encore une de ces défaites que je déteste. Pourquoi ne pas vouloir expliquer votre pensée ?» Il dit avec une sorte d'effroi. « Expliquer ma pensée, oh non !»« Non, c'est pas gentil. » Ils restèrent un instant sans parler. Elle, souriante et tranquille, lui, sérieux et troublé. Au moment où la voiture entrait dans l'avenue, Bijou se tourna vers M. de Rueil et le touchant, très doucement cette fois, de sa main fine, elle lui dit d'une voix pénétrante qui acheva de le remplir d'émoi. Puisque ça vous déplaît si fort, je ne mettrai pas ce costume. Nous en ferons dessiner un autre, agent. Il saisit la main qui s'appuie à son bras et la serra contre ses lèvres avec une tendresse presque brutale. Bijou ne parut pas remarquer cet emportement. Elle dit seulement, en retirant sa main, tandis qu'à travers ses cils glissait une étrange lueur. « Prenez garde à la grille. Vous savez que le tournant est raide. » Vous n'êtes pas en veine aujourd'hui. puis il se mit à rassembler avec calme tous ses petits paquets et jusqu'au château, demeura silencieuse et affairée. Le premier coup du dîner sonnait. Bijou monta en courant chez elle, et 10 minutes après, elle entrait au salon toute pomponnée, dans une fraîche robe de chiffon feuille de rose, avec à l'épaule un gros paquet de roses pompons. « Comment ? Te voilà déjà ?» fit Madame de Rueil avec admiration. « Je parie que ce lambin de Paul n'est pas prêt. » La marquise demanda. « Tu as fait toutes tes commissions ?»« Oui, grand-mère, et j'en ai une pour vous de commission. » Les juges en cour m'ont chargé de vous dire que M. de Clagny revient habiter la Norinière et qu'il y reviendra tous les ans. « Oh !» fit Madame de Bracieux, l'air vraiment heureux. « Oh, ça me fait une grande joie. Je n'espérais pas le revoir revenir jamais ici. » Bijou demanda. « Pourquoi ?»« Parce que il a eu dans ce pays un très gros chagrin, un âge où les impressions pénibles ne s'effacent plus. « Quel âge, ma tante ?» dit Jean de Blaye, un peu narquois. 48 ans. Tu seras à cet âge moins blagueur qu'aujourd'hui, mon garçon, et tu y arriveras plus vite que tu ne penses. » Il répondit en souriant. Tant mieux, ça doit être l'âge idéal, l'âge où le cœur s'endort. La marquise dit, maligne, en regardant son neveu. Il s'endort quelquefois plus tôt. Jean haussa les épaules. Oui, mais il se réveille, ou il peut se réveiller. On n'est pas tranquille, tandis qu'à 48 ans. Tu crois ça? Il y a 12 ans que mon vieil ami Clagny avait 48 ans. Il en a donc aujourd'hui 60. Eh bien, je parie que son cœur ne s'est jamais endormi. Jamais. Tu m'entends ? Et elle ajouta, plus bas, pour n'être pas entendu de Bijou qui cause avec Bertrade. Le cœur ni le reste. Jean se mit à rire. Bigre ! Mais c'est un phénomène, votre ami. Il gagnerait à se montrer beaucoup d'argent. Il n'a pas besoin de ça. Il est riche. Dégoûtamment. Mais encore, 400 000 livres de rente. Tu ne trouves pas ça gentil ? Il dit, sans enthousiasme. Si, évidemment, c'est gentil, pour quelqu'un qui n'a rien volé. Puis il demanda. Qu'est-ce que ce gros chagrin qu'il a eu ? Je te dirai ça quand Bijou ne sera pas là. Bijou, pourtant, ne devait rien entendre. Elle jouait avec Pierrot qui venait d'entrer. Elle lui refaisait sa raie. Pierrot, un grand gamin de 17 ans, vigoureux mais grandi trop vite, avec de longs pieds et de longues mains, et un front tourmenté d'invraisemblables bosses, se faisait tout petit, pour que la jeune fille pût atteindre ses cheveux embroussaillés et ternes. Il avait le cou tendu, le regard vague, l'air heureux sous l'effleurement des petites pattes à droite. Madame de Bracieux vit que Bijou était à 100 lieues, et à demi-voix, elle raconta à son neveu la banale aventure d'amour qui avait, en quelque sorte, interrompu la vie de son vieil ami. Tout à coup, Denise revint vers la marquise. « Grand-mère, j'oubliais. Les Dubuisson ne peuvent pas venir dîner jeudi, mais M. Dubuisson amènera Jeanne vendredi et nous la laissera 8 jours. Alors nous ne sommes plus que 18 à dîner. Nous sommes toujours 20 parce que j'ai vu les Tourville et je les ai invités de votre part. J'ai pensé que tu as très bien fait. » « Oh, dit Bertrade, les Tourville en même temps que les Jusancour. C'est pour le coup que nous les entendrons, les histoires de Guillaume le Conquérant et de Charles le Téméraire. » Bijou s'écria en riant. « Ça vaut mieux. Comme ça, nous les entendrons en une seule fois, au moins. » Au moment où on annonçait le dîner, M. de Rueil entra, l'air préoccupé, les yeux brillants. Silencieux, il s'assit à table et y demeura sans parler.